Amis des ondes, amis du monde, amis de l'onde et d'ailleurs, bonjour, bonjour, c'est Cargo Cult. Puis tiens, j'envoie un micro-teaser comme ça, je vous dis même pas de quoi on va parler, vous avez deviné à travers peut-être deux notes et demie ou trois, sachant que c'est pas facile du tout. À tout de suite, on écoute ça 3 minutes. Voilà, courte fausse introduction, j'ai envie de dire, presque un faux départ volontaire évidemment, avec l'introduction du disque du jour. C'est un disque fleuve, il dure 2 heures, on prend 2h30 aujourd'hui, voire un petit peu au-delà. Et voilà, autant que je vous le dise tout de suite, c'est Andrew Everall qui est à l'honneur. Et évidemment, c'est l'introduction de cet album du jour qui est loin d'être l'album le plus accessible et le plus connu de Andrew Everall. Je pense que c'est un des plus intéressants, mais on va un petit peu justifier pourquoi. C'est vraiment prendre le petit bout de la lorgnette de quelque chose qui est assez colossal, quoi. C'est Andrew Everall, c'est une pierre de taille, quoi. Et autour de cette pierre de taille s'est construit bien plus qu'une mythologie, c'est finalement une culture entière, anglaise de surcroît, et toute la seed house, la post-seed house et l'immédiate après indie pop anglaise s'est articulée autour d'Andrew Everall. Et Andrew Everall lui-même s'est articulé autour de toutes ces tendances, les groupes, etc. qui joignaient. Il y avait vraiment une émulation formidable. Et Andrew Everall, c'est pas un secret, il a disparu tellement trop tôt. Il est mort dans l'année de ses 57 ans. Quelqu'un qui naît en 1961, il meurt en 2000, en 63. Et sa disparition, elle est somme toute très récente, 2020. Allez, c'est tout le monde pantois, embolie pulmonaire. Chou, disparition. Bon, on va pas être endeuillé aujourd'hui, au contraire, on va célébrer une partie de ce qu'est Andrew Everall. Andrew Everall plus. Puisque l'album du jour, dans Scargocule du jour, c'est le premier album de Two Long Swordmen, The Fifth Mission, titre à rallonge, crypté, incompréhensible, au diable, The Fifth Mission, sous-titré Returns of the Flight Path Estates. Disque de 1996. Tout premier disque à paraître sur le label fraîchement créé par Andrew Weverall. Ça va être difficile. Voilà, Emission Audio Output. Je réalise, mais évidemment avec beaucoup de posteriori, j'ai tous les disques de Emission Audio Output que je recevais en promotion. J'en étais très content. Il y avait pas mal de choses. Et en fait, j'ai compris plus tard que ces disques étaient très rares, très peu distribués, aujourd'hui highly collectible. Ce qui ne veut pas dire que tout a été bon dans le label, parce que chez Andrew Everall, il y a une profusion de choses, de sorties, de collaborations qui font qu'on ne sait pas forcément où se tourner. Et cet album précipité au milieu de projets très identifiés d'Andrew Everall lui-même, et Andrew Everall par le biais de chez Warp Records, par exemple, quoi. Ou bien sûr son label, sa brette, sa Bosonix, j'en parlerai un petit peu. Du coup, laissait tellement de marques, entre guillemets, évidentes, que ces choses les plus bigarrées, les plus aventureuses, elles passaient plus... C'est pas qu'elles passaient difficilement, mais elles restaient plus discrètes. Et a fortiori, l'album dont on va parler aujourd'hui, alors c'est presque une réhabilitation, j'ai mis un presque, parce qu'aujourd'hui... Andrew Everall, du fait de sa disparition, fait que quoi qu'il ait produit, il s'est redécouvert et en général largement apprécié parce que ça en vaut la peine. Et croyez-moi, quand vous sortez un double album, donc un double album format CD, ça veut dire un double CD, c'est quasiment 2 heures de musique, c'est 1h50 et quelques, c'est énorme. 18 titres qui composent ce titre, on vient d'en écouter comme ça une petite prime introduction en guise de teaser. Et à l'évidence, ce disque ne ressemble pas à ce à quoi nous avait habitué Andrew Weverall. Alors justement, revenons un peu sur ce qui fait la particularité d'Andrew Weverall, sachant qu'il a toutes les particularités à lui tout seul. Andrew Weverall, c'est un DJ, c'est un songwriter, c'est un producteur, c'est un remixeur, j'oublie rien. et c'est l'homme qui, notoirement, va se faire rencontrer l'indie pop britannique des années 80 avec l'acid house qui pointe son nez à la fin des années 80 aussi. Et donc, il est l'homme clé qui va, par biais de remix et de production, amener. Alors, il va être sur des remix de My Bloody Valentine, New Order, Björk, les Happy Mondays. Et plus notoirement encore, Primal Scream et le fameux album de Primal Scream, Screamadelica, qui va être une vraie pierre angulaire, qui va être vraiment un rond-point de la musique à ce moment-là. Et c'est marrant parce que peut-être que Screamadelica aurait pu être un disque un peu banal, enfin dans le sens où ça aurait été. Il y avait une nostalgie psychédélique chez Primal Scream qui s'est transformée en extase extatique, du pléonasme, sous la patte de Andrew Everall, qui a été remixeur, mais aussi producteur. Et il y a un coup de génie avec le morceau Loaded, qui est en fait un remix, mais qui est rebaptisé Loaded parce qu'il est tellement écarté de la balade originale que voilà. Et si ma foi, il y a un morceau qui a mis l'Angleterre sous extasie, ils n'ont pas peur du mot, au sens propre comme figuré, c'est celui-là. Bon, il y en avait d'autres derrière. Carrément. Mais celui-là, ça a cartonné dans les charts, ça a été énorme. Bon, et puis le Screamin' Delica est du coup un disque d'une extrême importance, quoi. Et soyons francs, j'ai pas une grande admiration pour Primal Scream. Vous savez, c'était fondé par le batteur, mine de rien, échappé du combo des frères Reed. Alors que l'on m'échappe, ouais, Jesus on My Chain. Bon, Jesus on My Chain méritera son cargo culte, c'est dans les tablettes, je vous le promets. Mais revenons au sujet, le batteur se cassant, il a quand même l'intuition de faire un truc qui va être un peu une forme de psychédélisme dansant. Il était temps de remettre les Anglais sur la danse. Et ma foi, bah, côté danse, Andrew Everall va s'imposer comme le remixeur, le DJ, le producteur sacré qui va faire prendre ce virage-là. À partir de ce moment-là, vous savez comment marche l'Angleterre, hein, les hypes, ça se fait en 15 jours, ça se défait en autant. Mais à partir de là, tout label pop va chercher un DJ pour faire ses remixes. C'est clair qu'Andrew Everall dit, voilà, c'est la nouvelle donne. Et tant qu'à faire, on va demander à Andrew Everall de faire le job. Et finalement, le grand talent d'Everall, bah, ça a été de surtout pas devenir ce DJ hype à tout faire. Le remixeur superstar. Il y était, hein, il était sur la marche. Non. Il va prendre des risques et on va y arriver. Petit retour en arrière. Cette hype, quand bien même Andrew Everall s'est dépêché de la contredire, elle venait pas de rien. Il est là dès le début, Andrew Everall. Au milieu des années 80, c'est un primado à 18 ans, il mixe déjà du funk, de la Northern Soul avec du disco, une forme de proto-house, il manque rien. Il est sur le truc tout de suite. Et ma foi, il est là où il faut être, quand il faut être, puisqu'il est dans l'entourage de... Il est dans l'entourage du Club Shoom, fondé par Danny Rampling et son épouse Rampling, Jenny Rampling et Danny Rampling. Toute la house, tout ce croisement Balearic Acid House va se faire à Londres. Je dis bien à Londres. C'est différent à Manchester, c'est différent ailleurs, c'est une autre mythologie. Mais à Londres, tout va se faire dans ce fameux Club Shoob qui n'est accessible que pour 300 personnes le week-end, là où 800 personnes font la queue dehors en hurlant. Et Danny Rampling va avoir l'intuition de convoquer des DJ extrêmement important, en tout cas qu'ils deviendront issus de toute la house, même du garage américain, et les faire venir à Londres, et puis même après les faire tourner dans le reste de l'Angleterre, c'est quelque chose qui va donc enflammer l'Angleterre comme une traînée de poudre. Et parmi les DJ résidents, il y en a plusieurs, Andrew Everall sera de cela. Et au même moment, il est aussi dans l'écurie Boyzone, le label Boyzone Production. C'est donc Terry Farley, Peter Heller qui vont confonder le truc-là. C'est des gens qui vont devenir importants aussi sur cette house anglaise. Bref, tout le creuset est là, autour de ces actifs du show. Donc, Andrew Everall va profiter de l'élan pop pour affirmer plusieurs concepts, hein, et qui vont carrément casser les codes de la pop. Pourquoi ? Parce qu'ils vont y inclure les codes de la pop music, de la dance music. Et de facto, ben, on va casser les codes de la dance music en y mettant cette aura pop, si vous voulez, extatique. Et là, c'est un aller simple. Il n'y a pas de marche arrière avec ça. On est dans le tournant essentiel de l'Angleterre de la fin des années 80. Oh, il se serait fait, hein. Mais il fallait effectivement un jalon fort comme Andrew Everall pour complètement valider le truc et faire des tubes. C'est exactement ce qui va se passer. Et ma foi, Andrew Everall, il fera les tubes pour les autres. Il fera des trucs underground pour lui-même. Et puis des choses un peu entre deux avec des associations. Andrew Everall n'est jamais aussi bon quand il est associé avec quelqu'un ou quelqu'un s'associe avec lui. C'est d'ailleurs exactement le cas de Toulon Swordman, mais j'y viens un petit peu après. Si on parle d'Andrew Everall là, je ne vais pas évoquer toutes ses facettes, elles sont tellement multiples qu'on peut s'y perdre, mais on est obligé d'évoquer Sabre of Paradise. Avec le fameux Sabre Sonic, c'est un album fabuleux, puis Anti-Dance Hall qui lui suivra. Sabre of Paradise va en plus être signé sur Warp Records, au strict début des années 90, et à ce moment-là, Warp Record est dans un vent de hype totalement insensé, si vous voulez. Tout ce qui est essentiel passe par là. Et Sarah Fryer, c'est un trio. Alors, bien sûr, Andrew Hall, c'est office de mentor, de producteur principal, mais enfin, il s'associe avec des musiciens, avec des gars qui sont des ingé sons et des gars de bidouille, des vrais de vrais, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est là qu'on va découvrir le fameux Smoke Belge, qui est un morceau interminable, en tout cas dans sa interprétation remix, enfin des trucs de dingue. Même si Smoke Belge, il y a... On y verra peut-être dans le chat, mais c'est un morceau volé aussi, alors ça met un tout petit peu d'ombre au tableau la carrière d'Andrew Hall. Surtout que c'est le morceau qui, là, va lui donner une véritable autonomie, puis va s'imposer comme quelque chose de tellement singulier. Mais les autres vont suivre. Donc, Sum of Paradise, plus le sous-label créé Sabretz. Alors Sabretz va comme ça sortir, mais pépite sur pépite, ou non pépite d'ailleurs, peu importe, mais ce qu'on appellera des DJ Tools. Des DJ Tools à Seed House. Vraiment, là, on tient sur quelques chiffres essentiels. 101, 303, 808. Éventuellement, vous ajoutez 909. Voilà, ça va pas plus loin. La TB-303, le SH-101, la TR-808, la TR-909. Bah, tout ça sorti, bien sûr, de l'imagination et de l'industrie Roland au Japon, qui est sur lesquelles se sont construites les machines mythologiques qu'allait faire donc de la Seed House, de la Deep House, toute forme de house et de techno, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y avait l'idée aussi de mettre les choses à plat et d'être comme ça un peu back to basic. Là où Sum of Paradise pouvait jouer de samples très complètement auréolés, d'orchestration parfois. C'était riche, très très riche. Tandis que les productions de sa boîte, elles, revendiquaient un minimalisme pur et dur avec principalement la TB-303 en avant. Et une fois que tout ça est carré, on dit bon, ok, Andrew Hall sait tout faire. Il fait non, j'arrête, je mets un autre truc. Et l'autre truc, c'est ce à quoi je vous amène aujourd'hui. Ah, je vous tire par la main. Et donc, cet album The Fifth Mission, la cinquième mission, The Return of the Flight Path Estates. Je suis incapable de donner une interprétation à ce titre. Alors, il y a plusieurs trucs en ligne, parce que Andrew Hall, maintenant, suscite une telle mythologie qu'on essaie de décoder entre les lignes. Ce qu'il faut décoder, ce qu'il ne faut pas, j'avoue que je l'ignore. Par contre, ça vaut le coup de décoder ce disque et rentrer dedans. Et enfin, parler des Two Lord Swordsmen. Alors, Two Lord Swordsmen, bon, c'est dit dans le titre, ils sont deux, quand même. Et il est temps maintenant de saluer Keith Tenniswood, c'est le deuxième gars du duo, il est extrêmement important. Fondamentalement, c'est l'ingé son du label, c'est l'ingé son de Emission Audio Output. Et technicien hors pair, il va devenir aussi un coproducteur, un producteur hors pair, et c'est quelqu'un qui va très très solidement et durablement travailler avec Andrew Weverall. On leur doit d'ailleurs justement par la suite d'autres expressions de Two Lord Swordsmen et même la création d'un label qui à l'aube des années 2000 va être un petit peu à la tête de cette néo bass music breakbeat qui va pas mal aussi secouer l'Angleterre quoi, et ce sera le label ça me reviendra, oui, parce qu'aujourd'hui j'ai perdu mes notes, faut que je vous dise. C'est pas très grave. Alors, retour sur la jeunesse de ce duo, parce que c'est donc leur premier album. Et c'est le début de la célébration de ce label, je vous le disais, assez rare, Emission Audio Output, parce qu'on connaît les productions de Two Lord Swordsmen, elles vont être cultes à partir de Warp Record. C'est amusant de savoir que Andrew Weverall va être quand même un des solides maillons de l'équipe de Warp Record. Un de ses étendards, et autant même dire un de ses vendeurs. Parce que les disques, on se vend, enfin, ça fera parler de soi. Quoi. Avant de décider d'être dans une stricte autonomie, mais très underground, avec une distribution très, très faible, très relative, et finalement repartir à partir de la fin des années 90, en 98, chez Warp Record encore, avec un album assez tutélaire de Two Lord Swordsmen, excellent, puis un deuxième qui sort, enfin... Et c'est très marrant parce que ce que les gens considèrent comme le premier album de Two Lord Swordsmen, c'est Warp, et en fait le second. C'est pour ça que je nous amène à celui-là spécialement aujourd'hui. J'ai C'est un disque, j'ai eu un plaisir à redécouvrir ce disque-là, mais absolument inouï. Mais absolument inouï. De vous dire que je l'avais oublié, ce serait pas même exagéré. Et parce que comme je disais, il est long, c'est un disque assez, c'est un disque insidieux, avec un groove lent, une progression finalement assez savante, et ça qu'on doit à l'art du DJ, s'il y en a un par excellence qui maîtrise le truc, c'est bien Andrew Everall. Progression savante, donc sur deux CD, je le répète, à savoir quasiment 2 heures de musique. Donc c'est pas rien. Et c'est la phase la plus complexe, et même on peut dire la plus sombre qui est montrée Waverall, en tout cas depuis les débuts qu'on lui connaît. Fifth Mission, c'est un disque qui est assez souvent émouvant, mais alors subtilement funky. Il n'est pas gay, ok, et pas plus qu'il est vrai, il est dancefloor, il n'est pas destiné au dancefloor, mais il est rempli d'un groove. Et il n'est pas rare de distinguer des sonorités, voire des citations au style funk, de synthé funk, tel que ça a pu être développé par Bernie Worrell au sein de l'équipage Parliament Funkadelic, mais aussi des sons assez propres à Prince, et ce son de Minneapolis qui est du début des années 80. Il y a cette touche-là, il y a cette touche deep et funk dans laquelle Waverall a toujours été enraciné. Mais là, elle est clairement propulsée ailleurs. Paul Cooper, qui signe une chronique dans Pitchfork sur ce disque, dit, je trouve ça joli, je le reprends tel quel, Fifth Mission, c'est un film existentiellement paranoïaque sur les Yakuza du sud de Londres. Voilà. Bon, ça ne veut tout dire et rien, mais je suis content de piocher comme ça cette citation sur quelqu'un qui a été touché par ce disque. Le coup de la bande-son d'un film imaginaire, ça, on va pas le faire, tout le monde l'a fait, j'ai envie de dire, quoi. Mais il y a à l'évidence, dans ce disque-là, d'où la raison d'ailleurs de sa longueur, une narration. Un travail sur l'atmosphère, sur l'entrée des sons, sur la sortie des sons. Et tout ça à travers des morceaux qui peuvent être longs, mais d'autres très courts. Bon, il y a 18 morceaux qui composent le disque. C'est pas rien. Le plus long fait 9 minutes. Il est remarquable d'ailleurs. Mais sinon, on est dans des standards de 4 minutes, 4 minutes et demie, 5 minutes, 6 minutes. Bon, je vois des morceaux, oui. Il y a 2 morceaux de 8 minutes et quelques, un de 7 minutes et demie, et puis le plus long qui dépasse les 9 minutes. Waverall et Tennis Woods sont au début de ce qui va finalement devenir un auto-update permanent. Et ça, c'est propre à Waverall. C'est-à-dire que chaque morceau, chaque participation, chaque maxi, chaque remix, chaque EP, parce qu'il y a les extended play qui sont en fait des mini-LP, mais qui sont pratiquement aussi longs qu'un album normal. Croyez-moi, il y en a pas mal. Chaque pierre participe à la construction d'un édifice. C'est peut-être aujourd'hui, avec le recul, qu'on se rend compte à quel point cet édifice, finalement, était complexe. Trêve de parlotte, rentrons maintenant dans ce disque. On en a entendu le premier morceau. Vous allez entendre les 17 autres sur, je vous ai prévenu, 1h50 de musique. Ce sera sans interruption à suivre avec vraiment ce mythique disque de Two Lords One Man, assez dur à trouver aujourd'hui, alors profitez-en. Hein, tous à vos cassettes, hein, comme on disait à l'époque. Allez, tous à vos cassettes. Et on y go, c'est Cargo Cult, avec les Two Lords for Men, aujourd'hui, et ce Fifth Mission Return to the Flight Path Estate de 1996. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

We'll be right back. Thank you. Eh ben voilà. Ah, quel déroulé, quel fleuve, quelle œuvre fleuve. 1h3/4, plus d'1h3/4 hein, pour ce disque, donc The Fifth Mission, Return of the Fly Path Estate. C'était signé par les Toulon Swordmen, autrement dit Andrew Riverall. Voilà, en capitaine d'équipage solide, mais immédiatement secondé par son premier lieutenant, Keith Tenniswood. C'est probablement le disque le plus long hein, qu'on ait joué hein, dans disque culte. Alors oui, on faut faire certainement une exception avec Drexia et Lords of the Quest, mais cela dit, c'était une compilation. Donc, format double CD là, à ce moment-là faisait pas dans l'inédit, en tout cas pas seulement. Et par contre, ce disque d'Andrew Riverall et Keith Tenniswood, qui allait donc acter deux choses primordiales en même temps. Un, la naissance du groupe, du duo, hein, donc je rappelle le nom, quoi, les Two Lorn Swordmen, leur carrière va continuer. Et acter la naissance du label, enfin en grand format, il y avait une sortie de single avant, Emission Audio Output. Et j'insiste sur le label parce qu'il est assez éphémère. Les sorties, quoi qu'étant nombreuses, sont assez mal distribuées et elles correspondent à une émulation totalement en phase avec l'époque et qui, j'en suis convaincu finalement, surtout à la réécoute de ce disque maintenant, qui est probablement la plus aventureuse dans Andrew Riverall, celle peut-être où il prend le plus de risques. Ça ne veut pas dire qu'avant ou après, c'est pas bien, loin de là. Au contraire, c'est peut-être encore plus affirmé. Donc du coup, ça marquera davantage et il y aura plus de tubes. Ce disque-là, sur les plus d'1h3/4 d'écoute qu'on a eu, et j'espère que vous avez partagé ce plaisir avec moi, tient pas de tubes. On est plutôt dans un lent déroulé, comme ça, très cinétique, où toutes les humeurs de l'époque vont se trouver. Quelque chose d'un peu abstrait, qui peut faire penser au trip-hop, un funk... lent, insidieux et quasi lounge par moment. On est dans une forme d'easy listening. Et quand on pense être installé dans quelque chose d'un peu easy listening, paf, arrive quand même une touche complètement expérimentale, ultra aventureuse et qui est pas le fait des productions de l'époque. C'est ça qui est assez génial, quoi. Et tout ça servi par le son de Keith Tenniswood. Rendre hommage hein, quand même au premier lieutenant sur cette affaire-là. Keith Tenniswood, c'est un excellent ingénieur du son. Et puis, finalement, épaulé par Riverall, il va se constituer sa propre carrière. Donc, il va y avoir le duo, c'est ce qu'on entendait là. Et le duo continue. Comme je dis, il y a des signatures après chez Warp, notamment deux albums qui vont être assez marquants. Hein, je vous les recommande, d'ailleurs. Et la prolongation avec le Rotter Golf Club, qui est peut-être la dernière grande incarnation de Riverall. C'est son dernier label, ça va être le plus durable. Le label existe encore, est toujours actif. Et Keith Tenniswood, alors oui, j'arrête de parler de lui, se fait remarquer. Alors je pense qu'il a abandonné le nom, d'ailleurs, c'est presque dommage, il est DJ maintenant. Mais en tant que producteur... Et Live Act, ils ont essayé de faire remarquer, justement sur Rough of Golf Love Club, et un disque, je pense ailleurs, mais on n'est plus où, c'est pas Warp en tout cas, sous le nom de Radioactive Man, tout simplement. Et c'est très buissant, c'est génial en disque, c'est encore meilleur en live. Et quand un producteur passe avec aisance du confort du studio à la rigueur du live avec succès, ça mérite d'être signalé. C'est pas si évident dans les musiques électroniques et Amélie comprend assez facilement pourquoi. Donc voilà, hein, les deux étaient faits pour se réunir. Andrew Riverall, évidemment, c'est plus qu'une bouteille qu'il a, quoi. Toutes les époques sont passées par lui. Et alors sa disparition, évidemment, je répète, il meurt d'une embolie pulmonaire dernièrement, hein, en 2020, il a 56 ans, c'est tellement jeune, il est en pleine carrière, c'est déjà quelqu'un de complètement célébré, mais du coup, sa mort, c'est devenu une icône, c'est assez amusant d'ailleurs, je sais pas si on peut en sourire, mais... Il est en train de devenir une icône qui est taguée, qui est graffitée sur des murs et qui est reprise un peu par des street artistes, et un peu comme Kurt Cobain ou bien Bob Marley ont été récupérés. C'est-à-dire que ça y est, on tient avec, avec Andrew Everall, peut-être la première icône répétée, sérigraphiée, printée, graffitée sur les murs de l'histoire de la house, de la post-acid dance et des musiques électroniques. Je sais même pas si ça aurait pu Andrew Everall, ça c'était un gars en soi un petit peu discret, il mettait pas son look en avant. Quand bien même, finalement, ses dernières apparitions, on les remarquait bien, il s'était fait ce look un peu à la Alan Moore. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'auteur Alan Moore, des grands cheveux frisés, et puis une barbe et une moustache, comme ça, impériale, la moustache de Everall. Donc voilà, effectivement, un truc qui est en passe d'être iconographié. Fouillez sur le web, vous verrez comme ça, plein d'inspirations. Moi, j'aime beaucoup la plaque bleue qu'il y a à Hoxton Square. Hoxton Square, donc c'est au cœur de Londres. Et c'est aux portes donc, du Blue Note, où Andrew Everall, justement, officiait en tant que DJ sur les soirées du nom du label Audio Emission Audio Output, qui date donc pile de ces années-là. Voilà, et on y voit écrit 1996. DJ Andrew Weverall was there. Bah ouais, bien sûr qu'il était là. Une autre que j'aime beaucoup, ça c'est un artiste sud-africain, tout est là, tout est dit, c'est une image, bien sûr, voilà, qui reprend cette icône, parce que ça y est, Weverall est iconographié, et écrit tout simplement, il parle au présent, hein, c'est un ouvrage très récent, Andrew Weverall is watching. Voilà, Weverall vous regarde. C'est lourd de plein de choses, hein, parce que tous les wannabe DJ ou les producteurs avec de plus en plus de facilité digitale maintenant qui peuvent en quelques semaines se penser les rois du monde, doivent se rappeler que, effectivement, Andrew Weverall regarde. C'est un avertissement bienveillant. Ou un autre aussi qui est pas mal, un peu voilà. Voilà, un portrait de Weverall comme ça, qui mixe, donc n'oublions pas, le DJ à la base. Et puis cette illustration, Drop Acid, Not Bombs. Ah oui, évidemment. C'était d'autant plus amusant que la culture graphique était très... il en était complètement imprégné, Andrew Weverall. Mais comme tous les labels, je dirais, de ce moment-là, j'ai pas parlé de la pochette de ce disque. J'aurais dû, parce qu'en fait, elle est assez incroyable. Elle est très acidulée, avec des couleurs ultra pétantes, soit dominée par du bleu, mais en même temps, elle révèle justement cette houleuse sormène, le sabre entre les dents. On devine quelque chose, une association comme ça relativement pirate, totalement intemporelle, mais enfin quand même avec des systèmes comme ça d'impression, très très très graphiques et très en phase avec l'époque. Ça pète, on dirait de l'animation flash. Le booklet intérieur montre des trois hommes cagoulés et sur le logo du CD une femme avec un cocktail Molotov à la main. Donc voilà, on y est, hein. On est Riot. Il y avait justement Riot, Riot on My Own, les paroles de Clash que s'était fait tatouer, en tout cas en partie, Andrew Weverall sur le bras. Voilà, Andrew Weverall, n'oublie pas qu'il est punk, qu'il s'est formé au punk, quoi. Et bien sûr, à l'acide. On a souvent dit, et j'en suis convaincu, que l'acid house, c'était un punk réussi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, toute la promesse d'autonomie qui était portée par les punks et toute cette énergie débordante qui est là en 77, finalement, est vite récupérée. Si vous voulez vous en convaincre, une chanson des Clash a servi de bande-son pour les Jeans 501. Donc c'était bel et bien la fin. Et les Clash étaient séparés, d'ailleurs, étaient conscients de ça. Bref, le rock n'avait pas réussi à dépasser cette limite du business. L'acide va le faire. L'acide va le faire, en tout cas au moins momentanément, et plutôt bien. Et la stratégie de Weverall de multiplier les identités, multiplier les labels, et à chaque fois qu'il trouvait un comparse, finalement prendre un nom, etc., quitte à brouiller les pistes, était totalement dans ce rapport-là. C'est plus qu'une esthétique, c'est un rapport, c'est frontal, c'est rebelle, et ça marche. Ça n'empêche pas de créer un micro-business à l'échelle de la communauté. L'acide house, ce fut ça. Et ça peut l'être encore. On va sortir justement avec de la Acid House par les compères. Et vous allez voir, ce lien punk-Acid House, il est parfaitement suggéré par le titre, par une compilation qui est sortie très peu de temps avant l'album dont on a parlé aujourd'hui. Donc, on était en 96, et je pense que la compilation, c'est du 94-95. C'est des titres de 94, plus ou moins édités sur Sabrette. Sabrette sous label de Sabre Sonic, toujours par la même entité, Underworld. Et là, il convoque les copains, des projets à lui, des copains plus ou moins déguisés. Et l'album s'appelle tout simplement 101 plus 303 plus 808 égale Now Form a Band. 101 plus 303 plus 808 égale Maintenant Faites un groupe. Le SH1, la TB303, la TR808, instrument tutélaire de la house, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans ? C'est bien sûr ce clin d'œil au très célèbre « Voilà un accord, en voilà un autre, en voilà un troisième, now form a band ». C'est ce fameux dessin qui est en fait à lui tout seul la naissance du punk, avant même l'explosion de la musique qui va lui suivre. Ça paraît dans le fanzine Sideburn en janvier 1977. Ce dessin est resté ultra célèbre. C'était un graphiste amateur, Tony Moore, qui pour compléter une page blanche avait fait ce dessin. Et voilà, cherchez ça en ligne. Hein. C'est le punk, c'est ce dessin-là. This is a chord, this is another, this is a third, now form a band. Et voilà. Et l'Acid House prend ça au mot. Andrew Everall prend ça au mot. Et là, bah, vous allez voir, ça donne un son qui est... On va complètement s'éloigner du son assez très très élaboré hein, qu'on entendait avec les Toulon Swordsman. Je sais pas si vous avez fait attention, ce travail sur la stéréo, une énorme finesse, quoi. Non, là, voilà, on va se remettre dans un vrai dance floor, qui d'ailleurs est un peu aventuré là-dedans. Allez, je nous sors deux titres, ça secoue davantage que notre album du jour, et c'est bien fait pour. Très heureux d'avoir partagé cet instant-là avec vous, très long moment. Et ma foi, super salutations pour Andrew Hall, évidemment, il nous manque.